bien ce que tu m'as dit, chaque chose en son temps. Je t'ai donné ma vie, ça sans faire semblant. C'est tout ce qu'on s'est promis, regarde tout ce qu'on a bâti. Ils ont voulu tout détruire, que l'on pousse notre dernier cri. Hey, qui vivra verra demain. Fais-moi confiance et prends ma main. Ton avenir sera le mien. Hey, je connais pas la fin du film, mais je sais qu'ils vont mourir. L'un dans les bras de l'autre, l'un dans les bras de l'autre. Tu vas trop loin. Next. Salut, d'accord. Bon, bisous. Moi. Bisous. Allez. Bisous. Salut. J'ai dormi dans tes yeux, à l'abri des curieux. Il y avait des reflets de bleu. Et juste au milieu, une lumière brillante, impressionnante. Au début, on était deux. Ce n'était pas sérieux. Puis on a rêvé de mieux. Donc j'ai demandé à Dieu un enfant qui me ressemble. Ma chair et mon sang. Les années ont passé, tu n'as jamais faibli. Tout ce que je t'ai fait de mal, toi tu l'as enseveli. Tu t'es mis sur la ligne de mire quand on m'a ciblé. J'ai jonglé avec ton cœur, t'as fini par me dribbler. Je connais pas la fin du film, mais je sais qu'ils vont mourir. L'un dans les bras de l'autre, l'un dans les bras de l'autre.